Des prises de tête pendant des heures, des heures à répéter. Qu'on s'est fait des promesses, qu'on a tout oublié. On tourne en rond, mais mettre fin hors de question. Me demande pas, j'ai mes raisons. Pour moi, c'est toi la solution. T'es mon bébé, je suis ton bébé, ça changera jamais. T'es mon bébé, ce nègre veut niquer ma vibe. Fais un kick in ma babe. On va l'enculer la mérité. Pour lui j'ai sorti un bang. Ce nègre veut niquer ma vibe. Fais un kick in ma babe. On va l'enculer la mérité. Pour lui j'ai sorti un bang. J'suis dans le love, que dans les love, love. Dans la malaise, avant le mal. Tout ce que je voulais c'était me poser, poser. Mais j'ai capté, t'es dans d'autres bails. J'sais que j'suis loin d'être parfait. J'suis impoli parfois. On s'aime mal imparfait, mais j'pourrais tirer pour toi. Être joli, baby, c'est de la folie, baby. Bois, baby, baby, ou baby. Si t'es avec moi, c'est comme si t'avais déjà tout. Tellement t'es fraîche, j'fais des jaloux. Sois attentif et puis fais tout ce que j'te demande. Appelle ton taf, dis-leur que tu seras pas là demain. T'as toute la nuit pour me dire si t'es love de moi. Ma haine en peste, tu le sens de loin. A ton regard j'ai vite pu savoir si je te plais. Pour faire l'amour on sait jamais dit s'il te plaît. T'auras beau niquer ma vibe, mais tu resteras mon babe. J'ai pas reculé la vérité, toi et moi c'est pour la life. T'auras beau niquer ma vibe, mais tu resteras mon babe. J'ai pas reculé la vérité, toi et moi c'est pour la life. J'suis dans le love, t'es dans les love, love. Dans la malaise, avant le mal. Tout ce que je voulais c'était me poser, poser. Mais j'ai capté, t'es dans d'autres bails. Bails. Chaque j'suis loin d'être parfait. J'suis impoli parfois. On s'est mal imparfait, mais j'pourrais tirer pour toi. T'es trop joli, mais c'est de la folie. Bails. Bois, bails. J'suis loin d'être parfait, j'suis impoli parfois. On s'est mal imparfait, mais j'pourrais tirer pour toi. T'es trop joli, baby, c'est de la folie, baby. Ouah, baby, baby. J'suis dans le love, t'es dans le love.